Je voudrais accueillir mes amis, Denis et Jocelyne. Je dis mes amis parce que c'est vraiment des amis. C'est des gens que c'est très difficile de ne pas tomber en amitié avec eux. On va mettre un peu de distance. Impossible de mettre des distances avec eux. Ils ont beaucoup de qualités, mais moi, ce que j'aime chez eux, c'est le côté bon samaritain. Vous savez, la qualité principale du bon samaritain, c'est qu'il n'est pas passé outre. Dans l'histoire du bon samaritain, on va dire les pasteurs, hein, les lévites et les sacrificateurs ont vu quelqu'un qui était blessé et ont passé outre parce qu'ils n'avaient trop pas le temps. Mais le bon samaritain, qui était lui, n'est pas passé outre et il a pris soin de cette personne, il a travaillé à sa restauration. Mais ils le font non seulement pour des individus, mais aussi pour l'Église. Ils ont vraiment un amour pour l'Église, pour les gens. Et pour l'Église, donc c'est très ressourçant, agréable de discuter avec eux. C'est comme un temps pastoral où on a eu des moments relationnels. Et moi, ça me fait du bien de parler de l'œuvre de Dieu avec eux. On rit aussi beaucoup. Et je vais découvrir tout comme vous. Je connais Denis donc avec un apéro, avec un bon plat, mais je connais pas Denis avec le plat principal qui est la parole de Dieu. Et donc, c'est une joie de t'accueillir, Denis, au milieu de nous pour la première fois, et certainement pas la dernière. Je te fais un peu de place. Merci beaucoup. C'est une joie, hein, de me retrouver au milieu de vous. C'est un honneur. Et j'ai passé 15 jours à. Déjà, j'ai écouté un message de quelqu'un. Et en écoutant ce message, j'ai dit, mais tiens, ça me fait penser à quelqu'un et à plusieurs personnes. Ça me faisait penser à Grégory et à Katia. Et puis à d'autres personnes ici. Vous vous reconnaîtrez peut-être, hein, je ne sais pas. Tu peux mettre déjà la première diapo. Alors c'est un mélange de beaucoup de choses. Qui es-tu en Christ, l'histoire de Paul. Voilà. Déjà, si on veut se brosser un peu, on s'était déjà un petit peu présenté avec Jocelyne. Ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans le ministère. On est resté longtemps pasteur. Associé dans une église importante, et depuis quelques mois, le Seigneur nous appelle à faire complètement autre chose, à organiser des séminaires, à essayer de. Parce qu'on s'aperçoit quand même que le corps de Christ est malade, n'est pas en excellente santé. Voilà, il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont encore dans les problèmes, dans la difficulté. Et puis, nous, ça nous touche, ça nous fait mal de voir les chrétiens avancer avec des chaînes, avec des boulets aux pieds encore, et puis avec un cœur qui saigne, avec un passé qui est. Voilà. Et donc, ça va être tout nouveau à la rentrée, d'ici la fin de l'année, ça va être ça. Et je pense que. Voilà, c'est un challenge pour nous parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On était dans la sécurité en tant que pasteur. Je sors la montre parce que vous savez, il ne faut pas me donner le micro souvent. Voilà. Je crois qu'il était important. Priez aussi pour nous, si vous pouvez prier pour nous parce que. On se lance un petit peu dans l'inconnu et le message en parle peut-être un petit peu. Et au travers de l'histoire de Paul et Timothée, je voudrais essayer de toucher un aspect de notre appel. Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'appel, on a parlé de destinée, c'est des choses importantes. Et c'est vrai que ça me fait penser à certaines personnes ici. Voilà. Alors si on veut savoir qui pourrait être Paul, moi j'ai déjà trouvé, hein, celui qui ne tient pas en place, qui part à droite, à gauche, qui va dans tous les endroits, suivez mon regard. C'est pas, j'ai l'impression que Timothée est à côté, il y en a peut-être d'autres, des Timothées, mais écoutez, moi pendant 15 jours, en préparant mon bout de message et en essayant de faire un PowerPoint qui ressemble à quelque chose, parce que, bon, j'ai pas tout mis en plus, parce que j'étais avec l'ordinateur de mon épouse, bref, j'ai beaucoup pensé à l'Église, voilà, à cette assemblée. Et je crois qu'il est difficile de grandir à l'ombre d'un homme comme Paul. C'est difficile, c'est compliqué. Et je voudrais presque vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que tu te sens à ta place dans ta vie de couple? Est-ce que tu te sens à ta place dans ta vie professionnelle? Est-ce que tu te sens à ta place dans ton célibat? Est-ce que tu te sens à ta place dans ton église? Est-ce que tu te sens à ta place dans ton service? Dans ton travail également. On se pose parfois la question, et moi je me suis déjà posé la question, je pense que beaucoup d'entre vous vous êtes posé aussi la question, et est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je suis bien à la hauteur? Est-ce que ma vie a tout le sens que Dieu voudrait qu'elle ait? C'est important quand même de le savoir, ça. Dieu veut que je grandisse en sérénité, que je sois dans la paix, que je sois dans la tranquillité, que je me sente bien dans ce que je suis en train de faire. As-tu trouvé ta place? Alors, la deuxième diapo nous dit comment grandir en sérénité, comment être bien à sa place, comment être bien où on est. Comment être bien où on est. Vous savez, dans le monde dans lequel nous vivons, il fonctionne de cette façon-là. Tu dois avoir une place. Si tu n'as pas une place quelque part, tu es le SDF de service, ça ne fonctionne pas. Tu dois avoir une place. Tu as une identité propre, tu as une place dans ton boulot, tu as une place dans la société, tu as une place un petit peu partout. Et même nous, en tant que chrétiens, on se pose la question. Hein, et puis, il ne faut pas avoir honte de poser ce genre de questions. D'ailleurs, les disciples ont même posé la question à Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a répondu à ce moment-là? Jésus a expliqué que dans le royaume de Dieu, il ne fallait pas raisonner de cette façon-là. Amen. Amen. Alors, on doit dire autrement. Quel est mon appel? On ne doit pas dire quelle est ma place, quel est mon appel. Moi, ça m'est arrivé, hein, et à un moment donné où on était dans une assemblée et où Dieu nous a dit, ben, avec votre assemblée, vous prenez vos petites valises et vous allez rejoindre une autre assemblée. Waouh, ça faisait 2 ans qu'on venait d'ouvrir, ça faisait c'était un peu chaud. Et plusieurs, et à ce moment-là, alors je ne vais pas me comparer à Paul, mais j'ai un peu le tempérament un petit peu de Paul. Je me suis presque mis en colère, parce qu'ils ont dit, mais quelle va être notre place? Mais bon, c'est une mauvaise façon de penser, c'est une mauvaise façon de parler. Parce que dans le monde, avoir une place, c'est monter plus haut, c'est monter au-dessus, c'est souvent marcher sur les gens, hein, c'est écarter les autres pour prendre la place. Au détriment. L'appel, c'est entrer dans les projets de Dieu. Amen. Et même si, comme l'a dit Nico tout à l'heure, les projets de Dieu, nous on pense qu'ils vont aller comme ça, et bien souvent on va faire un tour comme ça, ce sont quand même les projets de Dieu. Hein? L'appel de Dieu, c'est ta destinée. On passe la diapo suivante, s'il te plaît. C'est-à-dire, c'est le projet de Dieu pour ta vie, dans l'être, c'est-à-dire qui tu es, et aussi le projet de Dieu dans le faire, c'est-à-dire ce que tu vas faire de ta vie. Les deux choses. Et les deux choses vont nous demander un équilibre. Pas trop dans l'être et pas trop dans le faire. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre les deux, l'être et le faire. En tant que chrétien, si tu connais ton identité, c'est-à-dire tu loues Dieu pour ce qu'il est, je suis une créature merveilleuse, Seigneur, rien ne me séparera de ton amour en Jésus-Christ. Je sais qui je suis. Voilà, là c'est moi, je suis un chrétien, je sais qui je suis. Quand tu réalises ça, tu es bien dans ton être. Mais si tu t'arrêtes là, si tu te regardes le nombril, tu es un doux rêveur. Tu es un enfant de Dieu, un fils, une fille, mais tu n'es pas entré dans ta destinée. Tu n'es pas entré dans le faire quelque chose. Dans le faire, il va y avoir un épanouissement. Tu vas t'épanouir quelque part. Tu vas accomplir des missions. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, quelle est ma mission? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la grande commission. Hein, on appelle ça la grande commission. Mais il y a plein de missions. Il n'y a pas une mission. D'ailleurs, nous, on est en train de voir ça. Bon, je croyais qu'on avait une mission, être berger et paître le troupeau. Waouh ! Ouais, mais maintenant, tu vas faire autre chose. Tu vas paître le troupeau d'une autre façon. Donc, les missions peuvent se multiplier et peuvent être complètement différentes. Hein ? Parce qu'un jour, en même temps, tu vas... On discutait tout à l'heure, un jour, tu vas déménager. Donc, peut-être, tu vas être obligé de te recadrer, te repositionner. Peut-être un jour tu vas changer d'église, tu vas changer de travail, tu vas changer plein de choses. Donc les missions vont se succéder. Ta destinée est toujours la même, mais elle va être remplie de missions, n'est-ce pas? Et même si Dieu arrête une mission, comme ça nous est arrivé à nous, hein, il nous a arrêté une mission, il va faire naître en toi une nouvelle mission. Ça ne s'arrête pas. J'ai 66 ans. La retraite, je crois que ça n'existe pas. Avec Dieu, ça n'existe pas. Pourtant, je lui ai demandé un cadeau. Je lui ai dit, moi, j'aimerais vivre jusqu'à 90 ans. Encore 20, quand j'ai eu 60 ans. Jusqu'à 90 ans. 20 ans pour te servir et 10 ans pour profiter de ma femme. Encore. Bon, ça va nous emmener loin, hein, parce que... Alors, félicitations pour les 25 ans de mariage. Nous, au mois d'octobre, on va fêter nos 45 ans. Voilà. On va passer la diapo 4, hein, s'il te plaît. Alors j'aurais dû en faire d'autres, mais bon, pour mettre aussi d'autres versets. Éphésiens 2, 10 nous le dit d'ailleurs, hein, c'est pour ça que je confirme. Car nous sommes son ouvrage, étant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. De bonnes œuvres, pas une bonne œuvre, de bonnes œuvres. C'est au pluriel, donc il y a des missions, on confirme bien. Donc, si tu as cet équilibre, tu es un chrétien que Dieu va utiliser parfaitement. Il faut donc avoir l'équilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je sais qui je suis en tant qu'homme, je sais qui je suis en tant que père, je sais qui je suis en tant que fils, et je sais ce que Dieu veut que je fasse pour lui. Je connais ses projets pour moi. Je suis bien. Cette position, si je suis comme ça dans ma position, ça va me donner de la force, ça va me donner de la sérénité pour ma vie. Et ça va donner de la sérénité pour ta vie. C'est vraiment ce que je souhaite. Et c'est un petit peu le but des séminaires qu'on veut organiser. On veut que chacun soit bien dans son être pour qu'il puisse faire ce que Dieu veut que vous fassiez. On a tous donc des missions. Et je souhaite pour chacun d'entre vous que vous trouviez la sérénité dans votre appel. Que vous ne soyez pas comme ça, toujours troublé. Hein. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que là, le vent va souffler, je vais aller par là. C'est humain. Mais on doit se poser, prendre le temps de la réflexion et se mettre devant Dieu. Donc, j'avais noté, la sérénité est un sentiment, j'aurais pu le mettre, de calme et d'apaisement qui procure un état de bien-être. Je trouve ça chouette. Donc, parce que ça veut dire que tu peux être fatigué, mais tu seras serein parce que tu es dans ton appel. Tu sais que tu sais que tu sais que tu fais la volonté de Dieu. Et là, ça te donne une paix extraordinaire. Je te dis, même fatigué, même troublé, rien ne t'empêchera d'avancer à ce moment-là. Alors, on va rentrer un peu plus dans l'histoire de Timothée. Et entrer dans son appel, c'est la diapo 5. Comment Timothée a-t-il été recruté? comment on a recruté Timothée? Qu'est-ce qui a déclenché « Je te veux dans mon équipe » de l'apôtre Paul? Vous savez, dans The Voice, « Je te veux dans mon équipe ». Eh bien, à un moment donné, Paul a dit « Je te veux dans mon équipe ». Pourquoi? Regardez. Tout simplement, sa réputation. Timothée était un homme en or. On parlait bien de lui. Vous voyez? On parlait bien de lui. Pourquoi je vous dis ça? N'essayons pas de survendre qui on est. Dans le monde, c'est exactement ce qui se passe. Vous faites des entretiens d'embauche, vous faites des CV. Et la plupart des gens, on gonfle le CV. Au moment de l'entretien d'embauche, on va mettre ses plus beaux vêtements. Oh, je vais mettre mon petit pantalon en lin, mon machin, je vais donner une bonne... Bon, je serai obligé de mettre des chaussures. Avec. Voilà. Je vais prendre une bonne douche, peut-être deux douches, parce qu'on ne sait jamais. Je vais me laver les dents trois fois, voire quatre fois pour sentir bon. Mesdames vont se maquiller bien comme il faut. Alors vraiment, maquiller comme une voiture volée, on dit. Voilà. Ça, c'est le monde. Avec Dieu... La Bible nous dit, réalise qui tu es en Christ. C'est la seule chose qui est importante. Réalise qui tu es en Christ. Donc dans Actes, les frères de Derbe et Lystre, voilà, ils vantaient les mérites de Timothée. Donc c'est la raison pour laquelle Paul va vouloir le prendre avec lui. Timothée a dû se dire à ce moment-là, waouh, qu'est-ce que c'est cool. Ma vie va avoir un sens à partir de maintenant. Vous vous rendez compte? On va faire des trucs de fou. Ça va déménager. C'est top. Paul passe. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les boiteux marchent. Alléluia. On va faire des trucs de fou. Ça va être extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que choisissez bien avec qui vous allez aller. Choisissez votre leader. Parce qu'un leader, pour moi, c'est quelqu'un qui vous emmène à l'étape d'après. Et moi, ces leaders-là, j'appelle ça des bornes. Et ça fait partie aussi des séminaires que je veux organiser. Il y a un séminaire sur les bornes. Ne déplacez pas les bornes établies par vos pères. Les pères, il y en a plein. Ça démarre de Dieu jusqu'à un éventuel beau-père ou des pères de substitution. Mais il y en a plein dans notre vie et dans notre vie chrétienne. Et on a besoin de ces pères qui sont des repères. Et ils sont là toujours pour nous emmener plus loin. Je ne vais pas partir là-dessus parce que là, c'est deux heures. Là. C'était... Alors, quelle va être à la place de Timothée ? Dans l'équipe de Paul. Vous savez, c'est comme au football. Si t'es recruté dans l'équipe du Real de Madrid, ne t'attends pas à jouer tous les matchs. Il y a tellement de vedettes que des fois, tu restes sur le banc. Je pense que dans l'équipe de Paul, c'est comme ça et Timothée va vite s'en rendre compte. On ne joue pas... Voilà. Timothée va comprendre. Dans Actes 16, Paul prend Timothée dans son équipe et à partir de là... on n'entend pratiquement plus parler de lui. Voilà. J'ai pris Timothée, et d'un coup, tu lis. À partir d'acte 16, tu lis. Ah ben, il n'y a plus de Timothée. Il est passé où, Timothée? Est-ce que toi, tu vas accepter d'être invisible? Si tu n'es... C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si tu n'es pas sécure dans ton identité, tu ne vas pas passer cette étape. Timothée était tellement bien dans son identité qu'il a accepté de ne pas avoir les projecteurs sur lui. J'ai beaucoup pensé à vous en préparant. Déjà en écoutant le message et en préparant, j'ai beaucoup pensé à vous. Vous êtes bien placé en plus. Bon, basse. Voilà. Timothée était invisible dans son service, mais il était efficace et présent. Voilà. Il travaillait dans l'ombre, et ça, c'était le principal. aspirer, vous savez, j'ai noté, aspirer à une place qui ne nous est pas destinée, c'est la meilleure façon de gâcher notre vie. La bonne façon d'agir, une fois que tu es dans ton appel, tu dois grandir dans ton appel. Grandir dans son appel, c'est quoi ? Timothée a été choisi par Paul, il sert Paul, il aime Paul, mais il va se passer quelque chose. À Bérée, si vous connaissez bien la parole, à Bérée, des extrémistes vont semer le trouble et les frères vont être obligés de faire partir Paul en bateau. Ils font partir de nuit, enfin bref. Et il part à Athènes. Vous trouverez ça dans Actes 17. En une nuit, Timothée perd son mentor, son leader et son père spirituel. Parce qu'il jouait les trois rôles à la fois, hein, Paul pour Timothée. Et Timothée va devoir... il va se retrouver avec Silas, alors que Paul, lui, va dans la grande ville d'Athènes. Timothée va devoir s'adapter à Silas, alors que Timothée avait signé pour Paul. Il n'avait pas signé pour Silas. Hein, ce n'était pas son choix, ce n'était pas son premier choix, n'est-ce pas ? Tu dois toujours te réadapter à la nouvelle situation quand les choses ne vont pas comme toi tu le souhaites ou comme elles sont en train de se dérouler. Tu dois toujours te réadapter. Tu peux être appelé par un leader, tu peux être appelé par un pasteur à venir le seconder dans une œuvre et puis... Tu es heureux et un jour, ton leader vient te voir et te dit « Mon frère, je dois partir. Dieu m'appelle ailleurs. » Et là, qu'est-ce que tu fais ? Et d'un seul coup, tu vas te retrouver ou à la tête de quelque chose que tu ne voulais pas, ou second avec un leader que tu n'as pas choisi non plus. Mais si c'est ta destinée, si c'est l'appel de Dieu pour ta vie, fais. C'est compliqué de se réadapter, j'en suis tout à fait d'accord. Ce que Dieu vous a dit, soyez ferme dans votre identité, faites les œuvres que Dieu a prévues, là où il vous a mis, ça, si tu gardes ça, tu gardes ton appel. Tu gardes ton appel. Même si une œuvre, un style de leadership s'arrête, tu continues à servir Dieu, tu t'adaptes. Nous, on a vécu ça, donc tu changes de patron, tu te réadaptes, tu changes d'église, tu te réadaptes. Sinon, tu vas vivre dans ta vie avec un énorme rétroviseur à côté de toi et tu ne vas regarder que ton passé, que ton passé, que ton passé, et tu ne vas pas avancer. Ton passé te sert à rebondir et à aller de l'avant. Hein, tu t'appuies sur ton passé pour aller de l'avant, pas l'inverse, pas pour retourner en arrière. Hein, rappelez-vous que le mélange de ton identité, que ton appel, c'est le mélange de ton identité et des œuvres que Dieu a prévues pour toi. Ça, c'est la base. Une saison se ferme, Dieu ouvre une autre saison. Est-ce que quelqu'un a un billet de banque ? Un billet. Je vous le rends, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'arnaque. Hein. Il n'y a pas d'arnaque. Donnez-moi un billet. Un petit billet de banque. C'est juste pour faire le test. Peut-être vous le connaissez, mais je voudrais faire le test. Parce que les situations peuvent tellement changer que... voilà. Regarde, voilà, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est pas gros, mais c'est 10 euros. Hein. C'est un billet de 10 euros. Hein. Imagine que le billet, ce soit toi. Et voilà, tu te mets au service de quelqu'un ou quoi, et puis là, ce quelqu'un, il va commencer à te froisser. Puis peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'il va te piétiner. Puis peut-être un jour, à un moment, il va te jeter. C'est dur de se baisser. Combien vaut ce billet maintenant? Il a toujours la même valeur. Tu auras toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Quelle que soit la façon dont les autres vont te traiter, tu auras toujours la même valeur aux yeux de Dieu. Je le pose là, Froissé, massacré, tu auras toujours la même valeur. Elle ne change pas. Ce que Dieu a dit dans Romains 11, 29, c'est extraordinaire. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Donc, quoi que tu fasses, quoi qu'on te fasse, l'appel de Dieu est irrévocable sur ta vie. J'aurais dû le mettre aussi, mais j'en ai zappé plusieurs. Ton identité ne dépend pas de ce que disent les autres, mais de ce que Jésus dit de toi. Ça, c'est le plus important. Mon appel est entre les mains de Dieu. Ton appel est entre les mains de Dieu. Comme Timothée, je suis heureux de travailler pour un Paul. Mais mon premier leader, c'est Dieu. Ton premier leader, c'est Dieu. Alors, comment garder la sérénité dans ton appel? Numéro 6, s'il te plaît. Bon, on a travaillé, on n'était pas ensemble, mais on a travaillé, on dirait que ça fait des années qu'on travaille ensemble, c'est super. C'est un vrai Timothée. C'est un vrai Timothée. Alors, comment garder la sérénité dans son appel? Alors, reprenons notre histoire. Pas facile, hein, pour un Timothée de garder la sérénité. Parce que Timothée, quand Paul part, il est bloqué à Bérée, c'est-à-dire au fin fond de la Creuse. Parce que l'autre jour, il nous a parlé de la Creuse, que c'était le trou du monde. Hein. Bon. Au fin fond de la Creuse, souvent, le plus difficile, c'est de faire face aux pensées intérieures plutôt qu'aux blessures des autres. Est-ce que dans ce qu'on lit sur Timothée, on parle du père de Timothée? Non, juste un petit mot. On sait seulement que Timothée avait été élevé par une mère et une grand-mère pieuses. Hein? Je pense que Timothée devait souffrir quelque peu de l'image paternelle. Parce je pense qu'il a été couvé, il a été chouchouté par maman et par grand-maman. Hein? Dans la foi, dans la loi de Dieu, c'était quelque chose de bien. Hein? Et je pense qu'à ce moment-là, il aurait pu vivre un phénomène de rejet, parce qu'il s'est senti pratiquement abandonné par celui qui était devenu son père spirituel. Hein? Lui qui est parti à la grande ville, et moi je reste au fin fond de la Creuse. Hein? Toi tu pars à Paris, et moi je reste au fin fond de la Creuse. Tu dois faire taire ces voix qui vont commencer à souffler à l'intérieur de toi, que l'ennemi va commencer à te susurrer. Tu dois préserver ton identité en Christ, parce que tu es son fils, tu es sa fille, peu importe ce qui se passe, abandonné ou pas, je suis là parce que Dieu l'a voulu, et je vais faire mon travail avec excellence, parce que c'est là que Dieu me veut, tout simplement. Dans Actes 15, au verset 37, on voit Paul, vous savez, je fais un petit retour en arrière, Paul s'est séparé de quelqu'un qui s'appelait Jean-Marc. Jean, surnommé Marc, on le trouve pas dans le... Jean-Marc, moi c'est Jean-Marc, Jean, surnommé Marc. Et Paul a estimé à un moment donné qu'il n'était pas bon. Il n'avait pas assuré, donc Paul l'a viré. Désolé, hein, il l'a viré. C'est comme les émissions de cuisine avec Philippe Etchebest. Quand il te dit que t'es bon, t'es bon. Quand il te dit que t'es pas bon, et hop, tu te fais virer. Et les petites. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite voix dans la tête de Timothée à un moment donné? Est-ce qu'il n'y a pas eu la petite voix qui commençait à dire: il n'a peut-être plus besoin de moi. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir un Jean-Marc 2? Hein, deuxième saison. La deuxième saison. Est-ce que je ne viens pas de me faire délicatement virer ? Hein, il est parti, puis moi je me retrouve là. C'est pas vrai. Les pensées qui te viennent, viennent de l'ennemi et sont là pour t'embrouiller. Reste les yeux fixés sur ce que Dieu t'a dit. Et dans Actes 17, un petit peu plus loin, Paul va demander à Silas et Timothée de les rejoindre au plus tôt. Ça valait le coup quand même d'attendre et de ne pas laisser les petites voix souffler comme ça. De les rejoindre au plus tôt. Et je pense qu'à ce moment-là, Timothée a dû dire « Enfin ! Enfin !» Mais il aurait pu faire ça avant, hein, au lieu de nous laisser mariner dans la Creuse. Mais c'est arrivé à Athènes, lorsque Paul a commencé son travail missionnaire, qu'il a dit « Il me manque, Timothée. Il me manque quelqu'un. Il me manque quelqu'un de confiance. » Donc, mais imaginez la scène. Alors, Timothée apprend ça, il prend le bateau, et hop, et il arrive au port, et puis il descend du bateau, mais Paul, en attendant, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Hein, Grégory, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, il est toujours par Mons et par Vaux, et pendant ce temps-là, il va aller à l'aéropage, il va parler aux gens, et il y a des gens qui se convertissent, et ils reforment une équipe. Et Timothée arrive, et ben, il n'a plus de place, dis donc. L'équipe a été reconstituée. Mais il faut être costaud quand même pour faire ça, n'est-ce pas? Timothée se rend compte qu'il a été remplacé. On ne doit pas garder une place, mais on doit répondre à un appel. Et Timothée, des appels, il en a eu plusieurs, hein, retransmis par Paul, hein, qui lui avait reçu des instructions de Dieu. Et à chaque fois, Timothée a répondu oui. À chaque fois, Timothée a accepté. Il n'est pas tombé dans le piège des pensées négatives. Et j'aimerais vous rassurer, histoire d'être remplacé, nous serons tous remplacés. Parce que le Seigneur a dit qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y aura toujours un quiconque pour vous remplacer. Vous inquiétez pas, il y aura toujours un quiconque. Ta place peut être prise par quelqu'un, mais pas ton appel. Ton appel, personne ne te le prend. Comment réagir au piège des pressions extérieures ? Les missions que vous allez faire ne seront peut-être pas faciles. Toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance ne sont pas faciles. Hein ? La première mission que Paul a donnée à Timothée, c'est la Macédoine. Acte 19, 22. En gros, Paul va dire à Timothée, tu retournes dans la Creuse. Ah, parce que là, c'est pas les grosses églises, c'est pas les églises qui cartonnent, mais Timothée dit, ok. Parce que c'est là où Dieu le veut, et Timothée reste dans son appel. Bien sûr, il y a les méga-churches, il y a les grands ministères, que le Seigneur les bénisse, mais il y a aussi les Timothées. Fidèles dans leur appel à tisser et établir des réseaux. Et ça, c'est extraordinaire. Bien-aimés, arrêtons-nous de nous comparer aux autres. Ne te compare pas à tes voisins, au couple d'à côté, au ministère d'à côté. Non, ça n'a rien à voir. On n'a pas le même appel. Le numéro 7, s'il te plaît. On n'a pas le même appel. Ça, Eckstein a fait un truc, vous ne connaissez pas ? J'ai découvert ça il y a peu de temps. Alors voilà, on fait une sélection. Pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen. Vous allez devoir grimper à cet arbre. Alors je dis, bon, le singe, il n'y a pas de problème. L'éléphant, je m'en fiche parce que lui, il va faire tomber l'arbre. Donc c'est bien. Mais alors moi, je me fais beaucoup de soucis, c'est pour le poisson. Comment il va faire pour monter à l'arbre ? Donc la sélection, elle n'est pas terrible. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière persuadé qu'il est totalement stupide. On n'est pas tous. On n'est pas tous faits pour faire la même chose. On n'est pas tous clonés. Nous avons tous des valeurs, vous avez tous des qualités, des capacités spécifiques, extraordinaires, que Dieu a mis en vous. Il suffit simplement maintenant de les faire sortir. Amen. Amen. C'est comme si moi je me comparais à l'apôtre Paul, c'est comme si je me compare à Grégory. Par contre, nos qualités mises ensemble, waouh, Dieu va faire des exploits avec ça. Donc Paul, lui, c'est un défricheur, c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui ouvre. Timothée, c'est le pasteur Timothée. Il n'est pas ni plus mieux, ni moins bien, ni... Non, c'est complètement différent. L'apôtre Paul, il fait tomber son mouchoir, t'es guéri. Timothée fait tomber son mouchoir, tu ne vas même pas le ramasser. Mais ça ne se compare pas. Ça, on peut dire, mais c'est pas juste. Mais non, il n'y a rien de comparable. C'est pas la performance, jamais noté, c'est pas la performance qui détermine ta valeur, c'est qui tu es en Christ. Ce que tu fais, fais-le bien. La deuxième, je vais essayer de passer vite parce que là on est un peu tard. La deuxième mission de Timothée après Bérée, c'est Corinthe. Enfin, après le fin fond de la Creuse, il l'emmène dans une mégapole. 300 000 habitants. Capitale de la culture et aussi capitale du n'importe quoi. Hein? Paul dit de cette église qu'il lui ne manque aucun don, sagesse, miracle, connaissance, guérison. Par contre, c'est le bazar dans votre église. Il y a l'inceste, il n'y a rien qui va bien. Et il envoie Timothée pour régler les problèmes, alors que Timothée, c'est quelqu'un de réservé, de timide, de discret. Et il va se retrouver au milieu de tout ça. Oh, femme adultère! Oh là là, mais il a dû prendre sur lui pour être obligé de faire ça. Vous vous rendez compte? Personnellement, je n'aurais pas été à l'aise à sa place, moi. Je n'aurais pas voulu prendre sa place. Mais Timothée y va. Et Timothée va progresser grâce à ça. C'est des challenges que Dieu lui met sur sa route. Et ces challenges vont l'emmener à grandir. Hein? Il va y avoir de l'opposition aussi pour Timothée quand il va être envoyé à Éphèse. Parce qu'après, une autre mission, c'est Éphèse. C'est la troisième mission. Grande ville, comme Corinthe. Mais il est dans son appel. Donc il va réussir dans son appel. Quel que soit les... Tu te sens faible, tu te sens... Non, non, non. Ton identité est en Christ. Tu auras les capacités et il va t'emmener au succès. Automatiquement au succès. Mon frère, ma sœur, tu peux en prendre plein la tête, te faire taper comme le billet. Mais si tu es dans ton appel, tu auras toujours la même valeur et de plus en plus de valeur même. Timothée va s'épanouir dans son appel. C'est un bon berger qui prend soin du troupeau, qui prend soin de l'église. Et d'ailleurs, cette église va devenir la plus belle église de l'Antiquité. C'est en te forgeant que Dieu augmente ton leadership. Et quand il est à Éphèse, en pleine expansion de son ministère, la dernière diapo, la 8... S'il te plaît. Oh, pardon. Il m'a devant. Non, c'est extraordinaire. J'ai même pas besoin de... Eh bien, Timothée va recevoir une lettre de papa Paul. Ouais. Il n'y a jamais écrit. Et c'est alors qu'il n'était pas bien, qu'il allait mourir, qu'il va écrire à son fils, Timothée, son fils dans la foi. Il lui demande de lui apporter plusieurs choses. Et là, je finis par ça. Et là, Timothée va tout laisser tomber. Il va prendre, je dis une bêtise, mais il va prendre une année sabbatique. Il va tout laisser tomber et il va apporter à Paul ce qu'il lui a demandé. Qu'est-ce que ça nous dit ? Lorsqu'on est comme Timothée et qu'on a une mentalité de serviteur, on donne toujours la priorité aux autres. Même dans les plus grands appels, tu seras jugé sur ta capacité à aimer les gens et à les servir. L'appel de Dieu sur ta vie est irrévocable. Quelle que soit l'opposition, tu dois rester pleinement dans ton identité. Et à chaque saison, faire les missions que Dieu a préparées pour toi. La meilleure place, c'est grandir dans son appel, car cela apporte une vraie sérénité. Tu dois aligner ta vie avec les projets de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on peut prier pour... J'espère que ce passage vous a parlé. Et vraiment, c'est... Quand j'avais écouté un message beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long que ça. Quand j'ai écouté ce message, j'ai dit, waouh, mais c'est Béziers. C'est l'église de Béziers, c'est les frères et sœurs que je connais ici à Béziers. Et ça nous concerne tous. Moi, je me suis senti impacté là-dedans. Et je pense que parfois, on passe à côté de cet appel. On passe à côté de notre appel parce que bien, les blessures, le passé nous rattrapent. On laisse murmurer des choses, l'ennemi nous susurrer à l'oreille. Et Seigneur mon Dieu, je voudrais te demander de parler au cœur de mes frères et sœurs ce matin. Au travers de ce que nous venons de partager ensemble. L'histoire de Timothée qui s'est mis au service de Paul. La seule chose qui a importé à Timothée, c'était de servir. Bien sûr, servir Paul. Mais au travers du service de Paul, c'était toi, Seigneur, qu'il servait. Et tout ce qui était important, c'était de bien remplir ses missions. Il ne se doutait pas qu'il allait avoir plein de missions. Mais il a dit oui. Et il est resté fidèle dans son appel. Que chacun d'entre nous ici, entendant l'appel de Dieu sur sa vie, puisse dire « Oui Seigneur, je m'attache à toi, je m'attache à un leader et j'avance sur ma destinée, vers ma destinée, quels que soient les obstacles, les embûches. Déjà ma destinée est en toi, ma valeur est en toi, ma force est en toi et j'avancerai avec toi, coûte que coûte, quels que soient les événements, froissés, déchirés, piétinés, je continuerai. Je ne veux pas que ce soit mes pensées qui me guide, mais que ce soit tes pensées, Seigneur, uniquement tes pensées. Que nous puissions, chacun puisse prendre du temps avec son Dieu pour savoir s'il doit se recentrer, se repositionner, achever une mission, recommencer une autre mission, mais toujours en se mettant devant notre Dieu. Seigneur, est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est là que tu me veux? Je ne laisserai pas les voies extérieures me perturber, mais j'avancerai, coûte que coûte, dans ta voie, dans ta direction. Parce que je veux te servir. Je veux remplir mes missions. Je veux grandir dans mon appel personnel. Oh, nous ne nous comparons pas les uns les autres, parce que notre valeur est unique. L'ADN que tu as mis en chacun de nous, Seigneur, est unique. Tu as mis des trésors en nous. À tes yeux, notre valeur est inestimable, puisque tu as donné ta vie pour nous. Alors, merci Seigneur de nous rappeler chaque jour quel est notre appel, quelle est notre mission. Et je veux, au nom de Jésus, aligner ma vie avec tes projets pour moi. Amen.